Mixo. Tu sais, j'ai besoin de me confier à toi aujourd'hui, mon bébé. J'ai pas toujours été droit dans tout ce que je faisais. Laisse-moi ma chance, bébé. Tu seras ma bien-aimée. Ma princesse, je ferai de toi une reine. Baby, c'est toi qui es dans mon cœur. Tu m'as totalement changé. Je veux apprendre à aimer. Je sais que c'est tout, mais je veux t'épouser. Même si vous pourrez parler. Ma vie, c'est ton, j'ai envie, tu es ma vie.